Pêche ou crève, ou le destin tragique de la Camille, de Paul Griech. Première partie. Camille. Vous avez un homme à bord ? Non, pas un homme. Mon dernier gars. Mon petit qui a encore ses 12 ans. Ah. Kerjean est un bon capitaine pêcheur. Votre petit est dans de bonnes mains. Ouais. Il paraît bon homme. C'est lui qui est venu à la ferme l'automne dernier. Mais personne ne connaît le pilote. Qui c'est donc ? Un certain Delamotte. Je connais point. Il est pas d'ici. Ce serait un ancien de la marchande. Alors votre gars est en sûreté avec un bon marin pour le voyage et un bon pêcheur pour le grand banc. Le grand banc ? Terre-Neuve. Comment qu'il s'appelle votre petit gars ? Lucien. C'est la première fois qu'un de vos gars part en campagne ? Oui, on est paysan. Oh, vous le verrez encore ce soir, non ? Le bateau, il part que demain. Oui, je sais bien. J'ai affaire, mais je baille là à attendre de le voir courir sur le pont. Comme si je ne le reverrais plus. Allons. Il va vous revenir homme. Et vous aurez de quoi faire vivre votre bien. Dieu vous entende. C'est-il votre gars, là ? Grimpé sur les Doris ? Si fait. Lucien ! Mon petit homme ! Le mousse ? Oui, monsieur ? Il faut m'appeler capitaine, pas monsieur. C'est compris ? Oui, monsieur. Capitaine. Bien. Je ne te le répéterai pas. Tu as fini de briquer mes bottes ? Oui, capitaine. Tu as préparé ma couchette avec les draps que je t'ai donnés ? Oui, capitaine. Et les instruments de navigation, tu les as bien astiqués ? Presque. Comment ? Presque, capitaine. Bien. Dépêche-toi de finir alors. Ensuite, rentre chez toi, c'est ta dernière nuit à terre. Oui, capitaine. Allez, file. Mars 1892. Cher amour, ce cahier relié remplacera bien improprement les lettres que je ne pourrai vous envoyer. Notre fille, qui réclame des nouvelles de son papa qui va partir loin d'elle, y lira peut-être quand elle sera plus grande le quotidien de son père. Et la plume que je tiens pour vous deux m'éloignera pour quelques instants, jour après jour, du tracas de mes fonctions et me rapprochera de ce que j'aime. Contrairement à ce que je craignais, la Camille est un bon navire. C'est un trois-mâts goélette de 350 tonneaux. Il a déjà fait plusieurs campagnes de pêche, mais paraît bien entretenu. Le coltarage a été fait selon les règles et tous les gréements ont été réparés ou changés. L'armateur ne m'a pas menti sur ce point. Peut-être que le fait d'avoir donné le nom de l'une de ses trois filles à son navire lui crée des obligations morales dont je ne peux que me réjouir. Les 250 tonnes de sel ont fini d'être mises en cale vendredi dernier, et les 15 Doris attendent bien rangées au pied du mât de misaine. Depuis lundi, c'est la fin de l'appareillage, et nous finissons de charger les vivres, l'eau, les engins de pêche, le charbon et des quantités d'alcool dont vous n'avez guère idée. Ne reste que les coffres ou les grands sacs des marins. Nous devrions partir demain, et j'aurai enfin l'occasion de voir ce que tous ces hommes ont dans le ventre. Et si cette Camille a si belle prestance sur mer ? Votre aimant, Joseph. Mmh. Il en manque encore, Kerjan. Ils vont venir. C'est inadmissible. Si le patron savait qu'à 2 heures du départ, on attend encore 3 hommes... Je connais Bizouarn et Guérin. Ils sont avec leurs femmes. Ils arriveront au dernier moment. Et l'autre, là, Billan. Le Billan. Ils vont le ramener, j'en suis sûr. Quelle honte. Corbel. Corbel. Hey, capitaine. Veillez que les hommes descendent bien les tonneaux et allez me chercher le mousse. Bien, capitaine. Hé, hey, Subrécargue. Tu m'appelles pas capitaine pêcheur aujourd'hui? Ah bah compte que je t'appelle Albert, si tu préfères. Tu seras le capitaine quand on sera sur le banc. Eh ben va pour Subrécargue. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, les lignes sont rangées. Bien. Va voir qu'il me fixe les bancs des Doris comme il faut. Il y en avait un qui branlait ce matin. Bien, Subrécargue. Ouais, file. Vous laissez les hommes se moquer de vous, Père Jean? Quoi? Hein, ça? Oh. Je connais Pélan depuis bien longtemps. Je ne tolérerai pas de cette familiarité à mon encontre. C'est que vous êtes capitaine, Aster. Quand nous serons sur le banc, vous verrez qu'ils fileront droit. Ce sera mon heure. Si vous le dites, Kerjan, si vous le dites. N'empêche, je n'ai jamais vu une telle désorganisation. Ce sont de bons pêcheurs. J'ai fait 6 fois le grand banc avec beaucoup de ces gars. Là, les gendarmes! Ah. Je vous avais dit qu'ils le retrouveraient. Quel édifiant tableau pour les hommes. Capitaine, vous m'avez fait appeler? Oui, attends. Allez, avance. Regarde plutôt ce qu'il advient des engagés qui tentent d'échapper à leur devoir. Ils se font mener par la maréchaussée comme des bandits. Qu'est-ce qu'il a fait? Tais-toi, Moussaillon. Voilà votre marin, messieurs. Maréchal des logis, voici donc notre homme. Il nous a fait courir, le gaillard. Allons, mon gars, sèche tes larmes. Tu vas boire assez d'eau salée comme ça. T'avais meilleure mine quand t'as signé ton engagement cet hiver. Tu t'en souviens au moins? T'étais dans un état... Silence, de bien. Tu parleras quand on t'autorisera à parler. Où que vous l'avez pêché? Là, caché dans le foin. Au grenier de sa ferme. Il nous a fait tourner en bourrique à travers 2 ou 3 prés avant qu'on y mette la main dessus. N'est-ce pas, maréchal des logis? Ah oui, un vrai lièvre. J'espère qu'il sera aussi vif avec vous. Dieu sait si on fera un marin de ce paysan. Il n'a pas d'affaires? Non, il n'a rien voulu prendre. On a dû le traîner jusqu'au port. Le Billan, si tu attrapes la mort, ce sera par ta seule faute. Kerjan, mettez cet homme en cale, avec le sel, pour la journée. Et pas de repas jusqu'à demain soir. Détache-le. Donne tes mains. Eh bien, mon gars, allez. Le voilier te préparera un cirage et des bottes. Et ce sera retenu sur ta paye. Allez, le Billan, suis-moi. Merci, maréchal des logis. Je dois signer un document? Non, capitaine. Nous allons faire un procès-verbal pour l'armateur. Vous le signerez à votre retour. Très bien, merci. Nous regagnons notre bonne terre. Bonne pêche, capitaine. Merci. Messieurs, messieurs, ce qui vient de se passer est la honte de la marine française. La Camille ne peut se permettre ce désordre. Je ne tolérerai pas ça sur mon navire. Vous filerez droit avec moi et vous veillerez à ce que ce fermier ne fasse pas un trop mauvais marin. Je compte sur vous, ou c'est moi qui me chargerai directement de la discipline. De la sienne et de la vôtre. Allez, au travail. Mars 1892. Ma tendre Marguerite. Aujourd'hui, le temps est clément et le vent favorable. Le navire file gentiment. Je découvre les hommes peu à peu. La traversée s'annonce bien, n'étaient les errements de l'équipage. Contrairement aux affirmations du capitaine pêcheur, le subrécargue Albert Kerjean, un diable d'homme dont je te dépeindrai les travers une autre fois, malgré ces affirmations, disais-je, la plupart des hommes me paraissent de bien piètres marins. Ils considèrent le voyage jusqu'au grand banc comme une période de repos avant le labeur. La discipline que je tente d'imposer permettra sans doute d'y remédier. Je distribue des tâches à chacun et j'organise moi-même l'écart afin qu'aucun ne reste ou ne se sente inutile ou inactif. Vous voyez, je ne manque pas d'ouvrage, mais j'essaierai de consacrer du temps à mes deux amours. Vous serez mon dimanche de chaque jour. Je songe bien à vous. Joseph. Allons, gamin! Redescends de là, mais qu'est-ce que tu fais donc? J'ai peur! Allons, t'es bien monté jusque-là! Et puis, c'est pas le grand mât! Je peux pas tenir le couteau et... Mets le don dans ton pantalon, mon gars! Qu'est-ce qui se passe, le crevier? Mais c'est Lucien! Il est pas dégourdi, ce garçon. Il a grimpé comme un singe dans le mât de misaine pour décoincer des cargues. Et maintenant, le vlac paralysé comme un bébé. Tu fais le chat coincé dans un pommier, petit? C'est pas drôle! Fais ce que te dit le crevier! Range-moi ce couteau dans ton pantalon! Le laisse pas tomber! Pas sur notre nez, hein? C'est pas drôle! Voilà, c'est bien comme ça! Il te dérangera plus, ce couteau! T'as tes deux mains, maintenant! Oui! Bien! Maintenant, descends doucement! Mais regarde pas en bas, en douille! Dis, tu crois qu'on était comme ça, Corbel? Je crois qu'on était moitié moins dégourdi que celui-là. Voilà, gamin, c'est bien! Voilà, comme ça! C'est bien! mars 1892. Mon aimé, la vie se poursuit, immuable et routinière, spécialement depuis hier que le vent est un peu tombé. Comme je le redoutais, le subrécargue Kerjean se complaît avec l'équipage, se lie d'amitié avec les hommes et ne paraît avoir aucune bonne influence sur eux. Il a critiqué mon vœu de les occuper, il a utilisé les mots « travail inutile » alors que j'ai confié à le crubier, le voilier, la vérification de toutes les voiles du navire. Le mousse, Lucien Mahé, qui doit aider le crubier, le sage et Revel à vérifier les gréements, a le vertige. Ces marins pêcheurs ne sont pas du tout comme nos bons compagnons de la marchande. Ils ont encore de la terre accrochée à leurs bottes. Votre Joseph. Il est beau, notre capitaine pilote. Pour un pilote, il est pire qu'un officier de la nationale. Hey, on va pas à Biribi, nous autres. Pourtant, il nous traite bien comme des bagnards. Une, deux, et que ça saute et au pas. Hein, Lucien, t'en as goûté du mât. Il t'a fait grimper partout. Hein. Misaine, artimon et grand mât. Oui, dame. Mais maintenant, j'ai plus peur. Finis donc ton ratat, le mousse, au lieu de te vanter. T'es maigriot comme un coucou. Et il te faudra du gras pour le froid du grand banc. Il est pas bon, ce ratat. Je préfère les poules de ma mère. Ah, il est impayable, celui-là. Les poules de sa mère. Bah, mon coco, il faudra t'y faire. T'en mangeras pas avant longtemps, de l'oiseau. Faudrait que Sanson en tire un au fusil, mais on est trop loin des côtes, pardon. Ouais, t'auras du ratat de tête de morue et de la patate, comme tout le monde. Voilà. du faux poisson quand on en remonte et un peu de bœuf salé le dimanche. Mmh. T'es pas vexé que Harry, qui a morvu à peine sorti des jupons merdeux de sa mère, chipote ta cuisine. Oh. Allez, petit, si tu vexes notre cuistot, tu mangeras plus rien. Hein. Ça, c'est vrai. J'aime pas les difficiles. Regarde-nous, gamin. Nous, on n'est pas difficiles. On mange sa cuisine. Ta gueule, bisouarme. Je préfère le bœuf salé. C'est bien ça, petit. Toi, le saleur, ça m'étonne pas. Tu mettrais du sel partout. Du bœuf salé. Mange, Lucien. Ne vous emmerde pas. Tiens, tu causes, Kerjean. Tu ferais mieux de l'ouvrir devant ce comte de la Motte. Oh, oh, tout doux. Il fait son office, notre pilote. Tu pars, hein. Il se prend pour Napoléon. Oh. Et aussi bon marin que lui. Et je devrais faire quoi? Il y en a un autre qui pourrait nous y conduire à Terre-Neuve, ici? Et pas bizarre, en tout cas. Vous savez même pas lire. Delmotte est maître à bord jusqu'à l'arrivée au grand banc. C'est le moment du pilote, on n'y peut rien. Une fois sur le grand banc, il coupera le poisson comme vous autres. Et je prendrai le commandement. Mais avant ça, il n'y a que lui pour conduire la Camille. C'est lui qui est breveté, non? Oh, il est breveté en emmerdement, oui. Et si personne lui dit ses quatre vérités, il va nous mener la vie dure jusque sur le grand banc. Eh ben, va lui dire alors. Mais essuie-toi le museau d'abord, il parle pas aux gueules de cochon. C'est pour ça que tu manges plus avec lui au poste des officiers. Vous allez la fermer, bande de chiffres molles. Feriez mieux de garder des forces pour le grand banc. Je vous ferai moins rire que ce drôle-là. Laisse, Albert, ça vaut pas le coup de discuter. Vous allez la fermer? Pas moyen de dormir. Tiens, le crubier, voilà notre voilier qui sort de sa cabane. Il sort pour avoir son boujaron. C'est pas bête ça, un boujaron. Eh, c'est une idée, ça. Bon, dis donc, Loarec, va nous chercher de l'eau de vie. Qu'on s'en jette, hein. Moi, j'en veux bien, du boujaron. Boujaron pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est du boujaron? Non, mais j'en veux bien. Avril 1892. Mon tendre amour. Après 15 jours de mer, nous avons rattrapé le retard pris lors des premières journées de calme. Le vent est favorable et nous devrions même arriver sur le grand banc avec quelques jours d'avance s'il continue de souffler pareillement. Depuis cette nuit, la Camille est mise à rude épreuve par des coups de vent de travers. La révision complète des gréements aura finalement été utile. Les hommes rechignent toujours à la tâche, mais la grosse mer les oblige à travailler avec plus d'ardeur. Le Bihan, le paysan acheté avec quelques sous pour devenir marin, est encore malade dès que la Camille atteint les 10 nœuds. Imaginez cela, ma chère. Le capitaine Kerjean ne déjeune plus au poste des officiers. Je ne le vois que le soir lorsqu'il se couche, ivre le plus souvent. Quelle autorité aura-t-il sur les hommes lorsque nous serons sur le banc ? J'essaie de vous imaginer, avec notre douce Marie-Louise. Et cette image de mes deux amours m'est un réconfort de chaque instant. Joseph. C'est trop petit. Oh, il faut y faire. Quand on sera sur le grand banc, avec les roulements des nourriciers, t'auras une cabane pour toi tout seul. Une cabane? Dans un cercueil que j'ai l'impression d'être. Tu remuerais pas comme ça si c'était ta tombe. Ah, essaie de dormir. Arrête de grouiller comme ça maintenant. Mais je pensais. Toi, faut que tu bouges quand tu penses. Hein? Quoi donc, tu penses? À de la Motte. pot. Il m'a promis le fouet la prochaine fois que je serai malade. Ah bah oui. Tu lui as rendu presque dessus tantôt. Et où que tu crois être, le bilan? Il est mauvais. Non, il est juste. Je préfère le capitaine pêcheur. Il est bon avec moi. Oh, oh, oh. C'est pas vrai? Attends d'être sur le banc. Pierre-Jean, je le connais depuis plusieurs campagnes. Il sait être mauvais aussi. On n'a pas besoin de ça. Le banc est assez dur pour nous autres. Pour l'instant, il m'a rien fait de mal. Bah, il cherche des amis. Il a bien vu que de la motte t'avais dans le nez. Alors ça l'amuse. Mais méfie-toi, sur le banc, ça sera plus le Kerjan que tu connais. Peut-être. Tu verras bien. Et maintenant, dors, mon gars. Il va bientôt falloir se lever. Merci, Corbeil. Oh, dors, le bihan, dors. Ouais. avril 1892. Mon épouse chérie. Hier, la mer était démontée et je n'ai pas eu le temps de remplir votre journal. Nous avons toujours 2 jours d'avance, mais ce n'est ni le temps ni le calendrier qui me cause le plus de soucis. C'est ce diable de Kerjan. Je ne comprends pas comment l'armateur peut abandonner sa confiance et laisser la réussite de son entreprise aux mains d'un personnage aussi fantasque. Il boit, et pour l'instant c'est à peu près la seule supériorité qu'il a sur ses hommes, qui pourtant boivent plus qu'il ne le faudrait. C'est d'ailleurs l'armateur qui a rempli la cambuse d'une quantité effrayante du pire alcool. J'essaie d'en limiter le plus possible l'accès, mais le goût épouvantable de l'eau douce embarquée n'aide pas à la tempérance. Entrez donc. Capitaine. Que se passe-t-il? Un accident. Où? Sur le pont. J'arrive. Vous ne voyez pas, Bisoir ? J'ai tiré là. La mer balaye encore le pont. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un paquet de mer. Il est tombé. Il a glissé et sa tête est venue taper un tonneau. Il est mort ? Non. Il respirait. Il a juste plus conscience. Il est bien abîmé à la mâchoire. Il faudra le transporter au poste. Attention, capitaine ! Ça va. Il faut le mettre à l'abri. Vous avez besoin du médecin de papier ? Non. Pas besoin de livres pour ça. Il faut nettoyer la plaie et vérifier qu'il n'y a rien d'autre de cassé. Vous pouvez le porter? Je vais le prendre par les pieds. Attendez-moi. Et le supercar, il n'est pas là? Il est pourtant de quart. Bon, on verra ça plus tard. Mettons-le à l'abri, allez. Mon aimé. Hier soir, une lame a failli emporter un homme monté sur le pont, mais la mer paraît devoir enfin se calmer et le navire retrouve une certaine quiétude. Le vent est tombé, mais la température a baissé d'un coup et nous avons croisé un iceberg en approchant le bonnet flamand. Ses lueurs bleues sur le miroir gris de l'Atlantique auraient enchanté notre petite Marie-Louise. Cette pureté ferait presque oublier la malpropreté qui commence à envahir le navire alors que notre voyage n'est pas encore achevé. Quand j'évoque le sujet avec les hommes, il m'est souvent répondu « c'est la mode du banc ». Ils ont visiblement autre chose en tête et m'ont réclamé pour la première fois une double ration d'alcool alors que la campagne de pêche n'a pas encore commencé. Je l'ai refusé. Nous serons après-demain sur le grand banc et je devrai laisser le commandement à Kerjan. Cela n'est pas sans m'inquiéter quant à la bonne tenue de la Camille. Je vous aime. Joseph. Serment un autre, Moussaillon. Bien, capitaine. Ah, tu vois, Delmotte, le petit m'appelle déjà capitaine. Eh bien. Je pensais que c'est comme ça qu'il faut dire. Laisse, Lucien. Et alors, Kerjan ? Eh ben, on arrive sur le grand banc et c'est bientôt fini tes simagrées. Je commande encore ce navire. Jusqu'à mardi. Ou mercredi, si Neptune s'en fout. Exactement. Et d'ici là, je vous demanderai de ne pas vous laisser aller. Me laisser aller. Vous buvez trop, Subrécargue, et vous encouragez les hommes à... Un Terneva sans Boujaron, il marche pas. Serre-moi, Lucien. Maintenant, va te coucher, Lucien. Demain, tu feras ma chambre. Bien, capitaine. Et vous voyez qu'Argent, Lucien m'appelle encore capitaine. Joseph Delmotte. Capitaine pilote aujourd'hui, trancheur de morue. Demain, les mains dans le boyau, le Delmotte, avec ses manières de la ville. Je connais la mer aussi bien que vous, Kerjan. Albert Kerjan, Subrécargue, capitaine pêcheur depuis 12 ans, ami du patron, monsieur l'armateur. Mieux payé que toi, Delmotte. Vous êtes sous, Kerjan. Et alors ? Serre-moi, Delmotte. Pardon ? Serre-moi, Delmotte. Allez au diable, Kerjan, vous et votre suffisance. Je vous laisse la bouteille, gardez-la. Ah, ma suffisance. Ma suffisance. Un peu que je me suffis à moi-même. J'ai besoin de personne, Delmotte. Trancheur. Tu verras comment qu'il faut l'habiller, la morue. On verra si tu lui ouvres bien le ventre. Les mains dans le boyau, Delmotte ! Dans le boyau ! On y est, les gars! Avec les coucous qu'on a récoltés depuis 2 jours et avec ceux qu'on va prendre aujourd'hui, on va pouvoir commencer la pêche demain. Le temps est favorable. Nous pouvons remercier notre capitaine pilote, monsieur Delmotte, de nous avoir menés à bon port. Je pensais arriver avec quelques jours d'avance, mais on... Mais on y est! Alors maintenant, plus la peine de pleurnicher. C'est l'heure des hommes. Pas vrai, les gars? Je vous demande de tout préparer pour demain matin. Vous avez la journée pour remettre les bancs sur les Doris et préparer les mâts. Vous verrez les voiles avec le crubier. Il faut vérifier les lignes et les hameçons. Pélan, tu y jetteras un œil. Corbel, tu prépareras les boussoles et les compas pour chaque patron. Ce soir, chacun préparera sa tenue. Si vous avez besoin de cirer vos camisoles et vos surrois, le crubier s'en chargera. Du moment qu'il nous sert pas autre chose. Oh. Ouais. Rigole, Bisoir, mais tu viendras pas te plaindre si tu prends l'eau. Huilez bien vos bottes. Vous n'aurez plus le temps de les quitter. Samson, tu t'occupes de l'habillage de la morue. Il faut vérifier les pics, les coutures des décolleurs, des ébreuilleurs et des trancheurs. Tu montreras à Lucien comment il faut énoter le poisson. Je veux que ça coupe comme vos rasoirs de mariage. Plus vite que vous habillerez le poisson, plus on en ramènera et plus vos femmes vous feront les yeux doux parce que vous rapportez la grosse prime. Le patron a promis le denier de Dieu aux meilleurs pêcheurs. Et c'est bon pour tout le monde. Pour ceux qui seront sur les Doris avec les lignes et pour ceux qui seront sur le pont à préparer le poisson. Des questions, les gars ? Qui c'est qui va remonter les bulots ? Ça sent la mort jusque dans le poste. Chaque patron de Doris est responsable de ses appâts. Lucien pourra les aider demain matin. Les coucous pour Lucien. Eh ben, mon Lucien, tu vas puer pire qu'un crabe pourri. Oh, laisse le don, bisoir. Il faut préparer le sel. Samson, tu choisiras ceux qui iront en cale avec toi pour le salage et pour ranger les poissons en arime. Bien, monsieur Brécac. Patron, quand donc qu'on décidera des aires devant ? On tirera au sort demain matin, avec quelques boujarons de gnôle. Allez, allez les gars, allez, tous au boulot. Allez. Hé, hey, Lucien, viens donc là, petit morveux. T'as du bulot à préparer pour la boîte. La boîte ? Mais d'où qui sort celui-là ? De la boîte ? De lapin ? Tu crois qu'on les pêche pour le plaisir, ces bulots ? Je vais te montrer comment qu'on les met sur les hameçons. 3 par hameçon. Et t'as plus d'un 1000 d'hameçons par ligne. Eh ben... Et tu veux savoir combien qu'il faut descendre de lignes par jour ? Non. avril 1892. Mamie, je ne vous ai pas conté que pendant 3 jours avant la pêche, nous avons utilisé 2 Doris pour aller descendre les caudrettes amorcées à la viande de cheval. Cela nous a ramené assez de bulots pour 10 de marées, selon Corbel. La puanteur de ces coucous, comme les appellent les hommes, qui s'entassent sous le poste d'équipage, parvient jusqu'à l'arrière du navire. Je suis sûr que notre petite Marie-Louise rirait bien de voir ces hommes grossiers froncer le nez comme des brumelles. La grande pêche commence demain. Je m'apprête à rejoindre les gaillards qui hier encore je commandais pour préparer la morue, et je vais me placer sous les ordres de ce Kerjean. Je travaillerai sur le pont et je ne participerai pas au voyage des Doris. Au moins il ne pleut pas, et malgré le froid et le vent, je pense que les conditions de travail ne seront pas trop dures. Votre aimant, Joseph. Ramène un peu de voile, le Billon. Ça souffle trop fort. Comme ça ? Ça ira, mon gars. Range donc les avirons sous le banc, t'en auras plus besoin. Repose-toi, le Billon. Profite qu'on a le vent par l'arrière. On risque pas de chavirer. Y a rien de mieux pour tenir la mer qu'un Doris. Non, repose-toi. D'ici un quart d'heure, on sera arrivé. Où qu'on va ? On va sur notre aire de vent. Là, on descendra les lignes lestées. Ah. Tu t'y repères comment, Corbet ? Y a que de l'eau ici. À quoi donc elle me sert, la boussole, d'après toi ? Et tu te perds, toi, dans tes champs, le billard ? Quand on sera rendu, on descend les lignes en rond pour former le tentis. Avec un gros coucou au bout de chaque hameçon, on met des bouées et on rentre à la Camille. Bon Dieu, on voit déjà presque plus le bateau. Tu ne le verras plus du tout avant la nuit. Et demain matin, on revient pour remonter nos lignes et on rentre à la maison. Contre le vent ? S'il change pas, oui. Contre le vent. Ah, tu vas en baver à la rame avec le poids des lignes et du poisson. On en aura bien pour 6 ou 8 heures. 8 heures ? Justement, profite, repose-toi. Faut que tu sois bien dégourdi pour m'aider à descendre les lignes, sans te faire accrocher par les hameçons. Accroché ? Oui, si tu te fais crocher, tu pars au fond avec la ligne, direct. Et avec 1000 d'hameçons par ligne, faut garder l'œil bien ouvert, le billard. Ah ben, mon vieux... Qu'est-ce que c'est que cet engin-là qui fume sur l'horizon ? Qui fume ? Presque derrière toi. Là. À bâbord ? Oui. Quoi donc ? Ah ! C'est encore un de ces maudits vapeurs anglais. C'est des pêcheurs comme nous ? Ben non, ils vont en Amérique, ceux-là. Il y en a de plus en plus. Et je peux te dire qu'ils se comportent comme des flibustiers. Ils dévient jamais, ces angliches-là. Ils ont déjà fait chavirer des Doris en passant trop près. Ils ne voient donc pas? Je sais pas. Moi, j'ai mon compas et ma boussole entre les pieds, mais je lève le nez. Eux, je sais pas. Je crois bien que leur route est plus importante que nous autres. mai 1892, 20e jour sur le Grand Banc. Mer plate. La brume est tombée sur la Camille depuis 2 jours. La pêche a bien donné les 2 premières semaines, mais depuis le calme plat et cette brume, les dorissiers remontent misère. Si le poisson ne vient pas dimanche, je ferai déplacer la Camille. Peut-être vers le bonnet flamand. Le temps est encore froid pour la saison, mais on ne devrait plus trouver d'iceberg sur le chenal. Le Bihan. J'ai les doigts morts. Oh. Qu'est-ce qu'il a? Tes gants sont trop fins. Tes gants, le Bihan. Ouais, mais avec les gros, je tiens mal le couteau. Fais ce que te dit Corbel. Il n'en a vu plus que toi. Je dis pour le contraire. Va te réchauffer les mains au poste et prends les gros gants. Ah oui, mais... Ah oh. Et ôte ton tablier. Ah oui. Où tu vas, le Bihan? Laisse-le, salaire, je le remplace. Il va changer de gants. Affaire, Corbel, si tu veux couper les têtes comme les novices. Tu protèges bien ton garçon. Il l'amadoue pour se le garder vivace le soir dans sa cabane. On ne sait pas ce que tu fais avec Revel dans la tienne, bisoir. Oh, gueule. Parlez donc à vos morues. Lucien, lâche donc ta cuillère et va remplacer le billon. Va couper quelques têtes, Corbel va te montrer. C'est plus dur que de les énocter. Bien, monsieur. Hé, grouillez-vous, hein! J'ai plus de poisson à saler! Tiens, mon gars! Mets le tablier! Voilà! Prends ce couteau! Alors, regarde! Il leur coupe la tête en glissant ta lame là! Derrière les ouïes! Comme ça! C'est les derniers poissons pour la journée? Non! Il y a le risque de Guérin normalement, mais il n'est pas rentré. Les autres sont rentrés depuis des heures. Oui, ça commence à devenir inquiétant. T'as raison, capitaine, c'est pas bon. Avec cette brume, ils doivent pas retrouver le bateau. Ah, voilà. Guérin est un bon patron de Doris. Je sais, mais on n'y voit vraiment rien, la nuit tombe. Oh, là. Allez, les gars, Boujaron pour tout le monde. Allez, approche-toi. Ah, ça réchauffe, mon Dieu. Merci, patron. T'as vu comment il l'a gobé, Norvel? Sois fort. C'est bien du Kergent, ça. Le Boujaron avant le Pierrier. Le Pierrier? Oui, le petit canon du gaillard d'avant. On le fait tonner quand la brume est épaisse et qu'un Doris ne revient pas. Ça les aide à se repérer. Qu'est-ce que vous racontez? On dit que Guérin et Renault sont point rentrés. Il fait pas encore nuit. Ils vont peut-être pas retrouver la bouée ce matin, et des fois qu'ils seraient revenus vers le navire pour faire le point et repartir, ça les conduirait bien à la nuit. Oh, Kerjean. Même s'il promène le Parisien, c'est avant la nuit qu'il faut tirer le pierrier. La brume fausse l'oreille et les yeux, mais avec la nuit, ils peuvent passer à 100 mètres sans nous voir. Ils verront même pas les feux. Ils vont rentrer, Corbel. Je connais Guérin. Tu veux ton boujaron, Corbel? Et toi, Delmotte? T'as besoin de te réchauffer, non? Ça te change du commandement, pas vrai? Ça va très bien. Et je bois pas quand je travaille. Oh, libre à toi, Delmotte. Et toi, Corbel? Allez, donne. Le Billon est pas là? Les doigts gelés. Oh, qui m'a foutu un empoté pareil? Lucien, laisse ton couteau. Ah non, mais... Lucien va faire sonner la corne de brume comme tout à l'heure. C'est le pierrier qu'il faudrait. Ah. Je sais ce que j'ai à faire. Allez, Moussaillon, file à la corne. Oui, capitaine. Allez. Viens, Clarec. Par ici. C'est pas trop tôt. Il fait soif, capitaine. Tiens. Oui. Ah, tu bois tout. Ah. Allez. 14 mai 1892. Ma douce amie, c'est dans ces instants de solitude, dans ma cabine, après une journée harassante, que vous et notre petite Marie-Louise me manquez tellement. Le travail est dur, les hommes font malgré tout preuve d'endurance dans ces conditions difficiles. Cloarec a dû couper la phalange d'un marin hier. Écorché au doigt depuis le départ, il n'a pu cicatriser avec l'eau de mer, le froid et la saleté. Il commençait à s'y mettre une mauvaise odeur. L'odeur. L'odeur des hommes. L'odeur des bulots pêchés pour servir d'appât est devenue elle aussi parfaitement épouvantable. Tout se mêle ici pour donner l'illusion que la pourriture du doigt de ce matelot a gagné toute la camille. Le plus inquiétant est la disparition d'un Doris qui aurait dû rentrer hier et que cette nuit n'a toujours pas ramené. La brume a sans doute perdu les deux hommes à bord et cet imbécile de Kerjean ne fait pas tirer le pierrier. Seule la corne de brume, qui ne porte pas bien long, résonne quand bien lui chante. Je ne sais combien la vie de ces hommes compte pour lui. Je songe à vous, Joseph. C'était quoi? Le pierrier? La nuit? Qui donc l'a fait tonner à cette heure? Le capitaine Kerjean? Oh non, ça m'étonnerait. Chut. Écoutez. C'est de la mode, ça. T'es sûr? Oui, sûr. Ça va barder. Ah, voilà le canonnier. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. J'ai également demandé à l'homme de quart de sonner la corne de brume 4 fois dans l'heure. Ça sert à rien, Delmotte. Dans le noir et avec cette poisse, tous les bruits se perdent. S'ils l'entendent, ils sauront au moins qu'ils ne sont pas loin. Et ils pourront mouiller en attendant que la brume se lève. Elle se lèvera pas. Et les gars vont s'en sortir. Et comment? Si on ne fait rien pour qu'ils nous retrouvent? S'ils ne nous retrouvent pas, ils mettront le cap sur la terre. À la rame? De toute façon, va falloir lever l'ancre. Le poisson est plus là. On n'abandonne pas les hommes. Si on en perd deux, on perd pas tout l'équipage. Avec ce brouillard et les paquebots, on risque l'abordage. Ils verront nos feux de mouillage. Ah, ça pour sûr qu'ils les verront. Juste quand ils écrabouilleront la camille. En même temps qu'ils entendront les cris et le bois qui craque. Il y a une chance sur 100 000. N'empêche, je ferai tonner le pierrier demain matin. Pour l'instant, ça sert à rien. Et avec les Doris qui partent demain, les gars vont bien les retrouver. Mais même s'ils rentrent pas, faudra déplacer la camille. Aller où ce que l'air est pur et où que le poisson se cache. Vous n'êtes pas digne d'être capitaine, Kerjean. Je suis capitaine pêcheur, subrécargue et pas marin de bataille navale. Ceux de la marchande n'abandonnent pas leurs hommes. Nous verrons cela demain, Kerjean. Moi, je vais dormir et je vous conseille de faire de même. Votre coup de canon m'a tiré de ma couchette. Trop tard pour dormir. Lucien va m'apporter le boujaron. Buvez bien, Kerjean, c'est ce que vous faites de mieux. Boussaillon ! Boussaillon ! Oui, capitaine ? Va donc à la cambuse et ramène-moi une bouteille d'eau de vie. Maintenant ? Allez ! Oui, capitaine. Dégrouille ! Oui, oui. Qui m'a mis dans les pattes une telle volée d'oiseaux ? Ça piaille, ça furette, ça dort, ça discute, ça discute, ça discute. Oh, bon Dieu. May 18, 1892. Marguerite. Je n'ai jamais croisé le chemin d'un homme aussi mauvais et imprévisible que le subrécargue Kerjean. Il a quelque chose d'effrayant, et je ne parle pas seulement de le voir abruti par l'alcool qu'il ingurgite. Même à peu près sobre, comme on peut encore le voir le matin, il a dans le regard une froideur et un feu qui ne peuvent coexister qu'en lui. Les hommes, qui pourtant ne m'apprécient guère en vérité, commencent à s'en méfier. Il m'a demandé de déplacer le navire pour se rendre sur une zone de pêche plus propice et échapper à cette brume qui met à mal la patience de tous. Et pourtant, le Doris perdu n'est toujours pas rentré. Nous devons encore attendre ici en faisant régulièrement sonner la corne et en utilisant le pierrier. J'agirai demain. Je vous aime infiniment. Joseph. May 18, 1892, 24e jour sur le grand banc. Mer plate, la brume est toujours poisseuse, le vent nul ne la pousse pas. On n'y voit pas à 10 mètres. Guérin et Renaud ne sont toujours pas rentrés et il n'y a pas d'espoir de les retrouver. Ils ont dû mettre le cap au jugé vers Saint-Pierre. La pêche devient mauvaise. J'ai demandé à Delamotte de nous mener vers le bonnet flamand. Voilà le coq et le bouc qui s'amène. Je vais m'occuper du poisson, mais avant, je vais faire tonner le pierrier. Vous ne l'avez pas fait ce matin. Le pierrier. Vous faites joujou. Ça sert à rien que je vous dis. Vous l'avez tiré il y a moins de 4 heures. Et alors, c'est à croire que c'est vous qui payez la poudre. Mais oui, je la paie, la poudre. Je paie tout ici. Même votre solde. Mais demandez aux hommes s'il ne faut pas tout faire pour retrouver les malheureux qui sont perdus depuis 4 jours. On te la paiera sur notre prime, ta poudre. Ta gueule, Corbel. Tu veux prendre un Doris et aller les chercher? C'est demain que je repars pêcher, Kerjean. C'est toi qui as préparé le calendrier. Je vous laisse discuter pêche avec les hommes, Kerjean. Ils vous feront peut-être entendre raison. Moi, je fais mon devoir. Mais bon là, ils sont perdus, les gars. Mais vous le savez bien. On en a revu revenir après plus longtemps, Kerjean. Pas dans la brume, Corbel. Pas dans la brume. Ils vont se tuer. J'ai jamais vu Kerjean comme ça. Et l'autre le rend fou à le prendre de l'eau. Ils vont se tuer. Laissez-le respirer. Lucien, serre le garrot. Ça pisse trop. Je suis pas bien. Corbel, remplace-le. Mais Fais-y un eau convenable. Lucien, va me chercher de l'eau propre. Oh, il est bien amoché. Oui, c'est le ventre qui m'inquiète le plus. Oui. Je sais pas s'il a un bout dedans. Possible. Le Pierrier a explosé comme si on lui avait bouché la gueule. Mais qu'est-ce que vous avez donc foutu? C'est de sa faute, à faire le savant. T'as bien eu de la chance, Kerjan. Si t'avais pas eu le cul par terre, t'aurais ramassé dans le ventre comme lui. Bon sang de bon sang. Il va perdre sa main. Mais au lieu de parler, dévoile le déshabillé. On voit rien sous ses vêtements. Il va gueuler. Il est dans le serrage. Allez, aidez-moi. Tire-lui son paletot. Mais attends, sans pas si vite, faut que je lui tourne le bras. Il fume. Ses bottes. Oh, regardez. Sainte merde. Qu'est-ce que c'est? C'est du bois. Des écharpes. Grosse comme un pouce. Il y en a une autre, là. Tirez-lui ses chaussons. Allez, retire-lui ça. C'est plein de sang. Il faut tout lui ôter. Lalo. Ah, Lucien, viens. Verse sur lui. Où? Là, là, verse. Là, encore une coupure. Verse sur son ventre. Oh, c'est pas beau. Je sais pas comment faire. Kerjan, où est le médecin de papier? Mais comment tu veux que je le sache? Tu es libre, c'est pas ma partie. C'est ta responsabilité, Kerjan. Albert, il me le faut. Ouais. Le ventre, je peux pas y faire des cochonneries. Sinon, il s'en sortira pas. Je suis custode, je suis pas chirurgien. Ouais, il a raison, Albert. Il nous faut le médecin de papier. Allez donc le chercher. Il est dans la cabine de Delmotte, justement. Ah. Il pensait pas que ce serait pour lui qu'on le sortirait, pour sûr. Ouais. Allez, vas-y, le bilan. Oui. Attends, vas-y. Et moi, je vais vous chercher un boujaron. On en a tous besoin. À la bonne heure. On l'a bien mérité. On va le sauver, notre capitaine. Vous en faites quoi, les gars? Il a la couenne dure. Maintenant, santé. Laissez Cloarec et Corbel travailler. Faudra en laisser pour le médecin, hein, les gars. Allez, dehors. Allez, allez, venez, venez. Venez, il aura plus d'air comme ça. Reste, Lucien. On va avoir besoin de toi. Il faut bien rincer ses blessures. J'ai commencé par lui tirer ses échardes. C'est ça? Je sais pas lire, mais il y a des images. Mais oui, c'est ça, donne. Alors, ventre, ventre, ventre, ventre. Il va mourir. Va rechercher de l'eau et du linge propre. Allez, vite! Là, voilà. À nous maintenant. C'était Pêche ou crève, ou le destin tragique de la Camille, de Paul Grièche. Première partie. Avec Hervé Furic, Kerjan, François Siener, Corbel, Bertrand Suarez Passos, Delamotte, Rémi Goutalier, Lucien, Grégory Kidel, Le Bihan, Guy Lamarck, Samson, Jean-Claude Sachaud, Cloarec, Didier Brice, Bisouarn. Philippe Béraudeau, Tinténiac. François Hatt, Pélan. Jacques Poiterrier, Le Crubier. Et Marie-Bénédicte Roy, Sophie Bezard, Nathalie Canouy, Olivier Chauvel, Régis Chaussard, Michel Baladi, François Briot, Thibaut Mulot. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Stéphane Desmonts, Mathieu Leroux, Laure-Hélène Planchet, Jean-Mathieu Zande. Thank you.